devient souvent amoureux vers le printemps. Comme des oiseaux qui s'envolent vers le beau temps. Je suis un bateau ivre qui s'échoue dans la mer. Je vais à la dérive comme un fou solitaire. Je vis tout près de Paris, dans la banlieue. J'ai aussi quelques amis, c'est beaucoup mieux. Je lis parfois des livres pour m'évader un peu. Ça m'aide à réfléchir quand la nuit est si bleue. Comme je me sens bien entre les lignes, je voyage au fil du temps. Comme je me sens bien entre les lignes, je voyage au fil du temps. Je travaille dans un hôtel plutôt guindé. J'y reçois de la clientèle sophistiqué. Les soirs quand tout le monde dort, je me prépare un thé. Je regarde dehors les passants du quartier. Je mène une vie de bohème, ça m'est égal. Je n'ai pas trop de problèmes en général. Rien peut me suffire pour devenir heureux. Je préfère rester libre comme un papillon bleu. Comme je me sens bien et je m'envole souvent très haut au gré du vent. Comme je me sens bien et je m'envole souvent très haut au gré du vent.